Les amours de Jacques. Mon premier roman publié, j'en avais tout de suite commencé un autre, dont 300 pages environ étaient écrites, quand l'éditeur Michel Lévy me les demanda pour les communiquer à Bulloz, le directeur de la revue des Deux Mondes. « Il veut voir ce que vous faites, » ajouta-t-il. « Pour me demander de faire autre chose, sans doute ?» Ma réplique était partie un peu vite. Je l'expliquais après avoir remercié Michel Lévy de son intervention. Quand, pour mes amants, vous avez, par peur d'un procès, exigé des suppressions, je n'ai pas hésité à reprendre mon manuscrit, bien que je ne vise pas du tout ce que j'en ferai, où je le placerai, et même si je le placerai jamais. Et pendant des mois, j'ai couru tous les éditeurs de Paris, acceptant d'interminables attentes, comptant les jours après les jours pour recevoir des réponses qui n'arrivaient jamais. Et cependant, il ne s'agissait que de coupures, qui, pour ennuyeuses qu'elles fussent dans le moment, n'engageaient pas du tout l'avenir. Tandis qu'avec Bulloz, ce n'est pas de coupure de ce genre qu'il s'agit. Ce qu'il demande à voir, c'est ce que je fais, afin de savoir ce qu'on pourra me faire faire plus tard. Ce qu'il veut, c'est prendre ma mesure, mesure du caractère plus encore que du talent, afin de se rendre compte de mon aptitude à entrer dans la vieille livrée qu'il met sur le dos de ceux qu'il admet à écrire chez lui. Alors, je me tâte. Je suis si peu souple, et ce qui est pire, si rétif. Vous pouvez toujours essayer. S'il vous impose des conditions qui vous déplaisent, vous les refuserez. S'il ne vous demande rien, je ne vois pas ce que vous auriez à refuser. À votre place, combien serait heureux de se voir entrouvrir la porte devant laquelle vous vous cabrez sans même savoir ce qu'il y a derrière. Demain, je vous apporterai mon manuscrit. Je n'aurais jamais eu l'idée de présenter mon premier roman à Bulloz, dont je croyais connaître l'esprit. Mais puisque lui-même, après avoir lu ce premier roman, demandait à connaître le second, j'aurais été maladroit de refuser ses avances. D'ailleurs, toute chance de publication dans la revue mise de côté, et je ne me faisais guère d'illusions sur ce point, la proposition que me transmettait Michel Lévy avait pour moi cela d'intéressant, qu'elle allait me faire faire la connaissance de Bulloz. Dans nos entretiens de jeunes que nous étions alors, Bulloz revenait à chaque instant, et chacun parlait de lui selon ses espérances ou ses rancunes, ses opinions ou ses partis pris, bien plus que d'après la réalité. Était-il réellement le brutal qu'on disait, grossier, sans éducation d'aucune sorte, et même sans instruction, qui par la seule force d'une volonté persévérante avait su pendant 30 années exercer une tyrannie humiliante sur le monde littéraire de son temps, le plier sous son despotisme et le faire travailler à sa fortune sans que lui-même fît rien pour ceux qui l'exploitaient, si ce n'est les payer misérablement avec accompagnement d'insolence et même quelquefois de gifles. Ou bien, ce qui semblait plus vraisemblable, avait-il acheté son succès par certaines qualités qu'on ne voulait pas voir? Puisqu'une occasion s'offrait de faire fonctionner pour moi seul ce terrible savoyard, j'allais passer un bon moment, et dans les dispositions où j'étais, m'offrir une amusante étude. Peu de jours après la remise de mon manuscrit, Michel Lévy m'ayant prévenu que Bulloz m'attendait, je montai le petit escalier de la rue Saint-Benoît, et après avoir traversé un jardinet, j'entrai dans une espèce d'étude d'avoué de province, où derrière des bureaux noirs, de vieux clercs plus pelés et plus râpés que de vrais clercs travaillaient silencieux. J'allais demander à l'un d'eux si M. Bulloz était visible, lorsqu'un œil dur, un seul, se fixa sur moi, c'était le maître. Je m'avançai et me nommai. Il ne répondit pas, et continua à me regarder de façon à me faire comprendre que j'allais être mis à la porte. Je le savais borgne, mais j'ignorais qu'il fût sourd. Je lui tendis ma carte. Alors notre entretien commença, ou plutôt Bulloz commença à parler d'un ton d'autorité qui ne permettait guère les répliques, mais qu'importait? N'étais-je pas venu pour écouter le jugement qu'il allait rendre? Il fut mêlé, ce jugement, de choses agréables et d'autres désagréables, d'éloges et de critiques. Sans doute j'aurais dû accepter ces éloges avec béatitude et me soumettre à ces critiques, mais il n'en fut rien, et je ne trouvais pas les uns plus justes que les autres. Évidemment, nous avions une façon absolument opposée de comprendre le roman. Je le lui dis. Il ne se fâcha point et en quelques mots il m'expliqua très clairement, en homme qui répète des idées 100 fois exprimées, ce qu'il voulait pour sa revue. Comme c'était précisément l'opposé de ce que moi-même je voulais pour mes romans, je compris que nous ne pourrions jamais nous entendre et partis avec mon manuscrit. Il semblait que nos relations devaient en rester là. Cependant, elles reprirent quelques années plus tard. À propos de Madame Aubernin, je dirai comment et à quoi elles aboutirent.